Par pitié, tais-toi! Je crois toujours entendre la voix de ta mère, et cela me brise le cœur. Si tu m'aimes, ne chante plus! Qu'exigez-vous de moi? Ma mère, la plus grande cantatrice de l'Allemagne! Ah, ce sont tous mes rêves que vous brisez. N'importe, vous le voulez, je ne chanterai plus. Je ne sais quelle illusion me poursuit, mais cette ressemblance est effrayante. On vous attend à la philharmonique, monsieur. C'est bien, mon chapeau. Très beau, monsieur. Comment très beau? Je te demande mon chapeau, animal. Ah, très bien. Vous ne prononcez pas. Écoute ici. Tu ne recevras personne. Vous croyez? Où vas-tu? Je vais voir si l'on sonne. Peste, sois-tu sourd! J'ai dit, tu ne recevras personne. Personne qui m'attend. Tu m'attends? Eh oui, monsieur, je ne suis pas sourd. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Mon Dieu, que les maîtres sont exigeants. Il n'y a jamais moyen de les contenter. Jour et nuit, je me mets, jour quatre, au moindre signe, je me tais. C'est tout comme si je chantais, oh pour un nom, si je chantais. De ces mépris, il lui faudrait rabattre, je chante seul, quelquefois, mais chanter n'est pas comme moi. Ce n'est pourtant pas la voix, la la la la la la la la la la la la, qui me fait défaut, je crois. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pas comme